pas des tours. Ouais, sans blanco négro. C'est ok. Allez, viens, on t'invite dans un voyage de 3 minutes. La rareté ne présage pas de la flûte. Ici on lutte, mais on reste debout. Malgré tout, ça vaut le détour. Avec peu, on tape des barres. Ça fait un tour, on dès qu'on les cubes débarquent, nous on se barre. Parfois ça ferme des bouches, à coup de barre. De fer, prêt à prendre, tu fermes, pour une part. Depuis l'époque des bacs à sable, on est là. On veut Babtou, Renoir, Chinois, on n'aime pas les Cisras. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Comme un aimant, on est là, collé à notre banc. Bah tu mines sans galère, c'est le combine pour faire multiplier l'argent. Pas le choix, trop de discrimination, alors on se torche le cul avec le drapeau de la Seprand. On passe au-dessus des lois, mais on sait ce qu'on risque. On chale pas au commissariat, même avec des preuves, c'est pas moi. En bas des bâtiments, on cherche de l'argent. Des bons plans, de la matière première à fumer, en bas des tours. Sacré gadget ça, ici c'est l'école du vice, pas celle de la police. On nique les indics et les flics. Ici les gens faibles, sautent dans le précipice. Et même si la vie nous affaiblit, nous on reste de pisse. En bas des bâtiments, on cherche de l'argent, des bons plans, de la matière première à fumer. En bas des tours, sacré gadget ça. Ici c'est l'école du vice, pas celle de la police. On nique les indics et les flics. Ici les gens faibles, sautent dans le précipice. Même si la vie nous affaiblit, nous on reste de pisse. On reste de pisse. Aïe. Ça se moque, ça pouliche ça. S'il faut que la police, les pédales et les poucas. Les mecs on lâchera. Faut qu'on maillon sorti de sa cage. À l'état on met des papes. On a la rage. Pour nous pas tape. Pour tout expliquer faut plus d'une page. Malgré ça on est sage. Là où la police enquête. Cas par cas ils veulent nous péter. Rêve de la perpète. Stop ton discours. Passe faire un tour. Voir les scars là où t'y chaque cours. C'est la haine. L'amour est mort. C'est le décor. On s'en bat les couilles, pour s'en sortir les gars magouilles. Veulent le magot, les belles caisses et les belles go. Sortir la tête haute et le poing levé. Retiens ça négro. Ouais négro, on n'a pas le bac. On n'a pas peur de salir les mains. On n'a pas peur du sang, kiffe le son. En bas des tours, écoute ce son. C'est le discours de la raison. Trop de vautours et si peu d'amour. Parfois on est solitaire, parfois on est solitaire. En cas de galère, pas beaucoup de frères mais beaucoup de nerfs. Ça sent revolver, dédicace à tous les frères qui sont plus là, qui n'ont pas perdu leur couille d'après une douille. On va des bâtiments, on cherche de l'argent, on a des plans, de la matière première à fumer. On va des tours, sacré gadget ça. Ici c'est l'école du vice, pas celle de la police. On est les indics et les flics. Ici les gens faibles se donnent des suspices. Même si la vie nous affaiblit, nous on reste de pisse. En bas des bâtiments, on cherche de l'argent, des bons plans, de la matière première à fumer. En bas des tours, sacré gadget ça. C'est l'école du vice, pas celle de la police. Donc les indics et les flics. Si les gens faibles se vendent précipice. Même si la vie nous affaiblit, nous on reste de pisse. 2010, en bas des tours, ils ont mis des cris. Ils veulent nous couper du monde extérieur. Ils nous prennent pour des fous. Ils croient qu'on est contagieux. Mais c'est l'État qui nous rend comme ça. À notre âge, on veut mieux que ça. On dirait que la poisse nous colle à la peau. Des gens nous collent une image de racaille. Intérieurement, je suis plus riche que ces enfoirés blindés. Si on sort un disque comme les enfoirés, tous les bénéfices, je veux pas en entendre parler. Car la pauvreté, nous on sait ce que c'est.